Bonjour mes frères et sœurs, nous allons terminer ce matin le chapitre 8 qui continue à nous parler de cette grande collecte de fonds qui était en train de s'organiser dans les églises non juives en grande partie pour aider les chrétiens juifs de Jérusalem. Notre bon Père du ciel, l'amour entre frères et sœurs dans l'Église est une manifestation de l'amour qu'ils ont pour toi, pour leur Dieu, pour leur Sauveur Jésus-Christ. Puisses-tu continuer à nous instruire ce matin, afin que nous ayons les bonnes raisons, les bonnes motivations d'œuvrer au sein de l'Église, d'agir au sein de l'Église qui est ton corps. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons vu ensemble qu'une grande collecte qui est en train de s'organiser dans les églises non-juives, en Macédoine, en Corinthe, probablement aussi en Antioche, dans toutes ces places-là alentour. Oui, il y avait des juifs dans ces églises-là, mais la majorité était des non-juifs. Et on veut aider les juifs dans leur misère, dans leur difficulté. Et toutes les églises se monopolisent pour aider les chrétiens de Jérusalem ou d'Israël. Paul dit que la motivation de tout cela vient de Dieu. C'est pas les églises qui génèrent ça, mais c'est Christ ou c'est Dieu qui génère ça dans la vie des croyants. Je crois personnellement que ce que l'Église fait est engendré, si je peux dire de même, est poussé de l'intérieur par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je crois que ce que Dieu veut faire dans son Église, par son Église, pour sa propre gloire, vient de lui, de son œuvre en nous. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, nous voyons l'Église au pied du trône de la grâce qui adore et loue son Dieu pour tout ce qu'il a fait. On a vu ensemble que l'apôtre Paul ici, hier, a dit « J'ai pas besoin de vous donner d'ordre. J'ai pas besoin de vous faire sentir coupable. J'ai pas besoin de vous forcer. Vous vouliez participer. C'était votre désir à vous, stimulé par la grâce de Dieu en vous. Vous qui étiez pauvres, vous avez été enrichis par Christ. » Qui s'est fait pauvre, lui qui était riche. Combien riches sommes-nous? Méditez là-dessus. Combien riches sommes-nous? Quelle richesse Christ nous a-t-il donné? Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous enrichir de quoi? Des biens matériels? Plusieurs pensent-le. Mais je dirais que majoritairement, à travers l'histoire, depuis 2000 ans, l'Église n'a jamais été très riche. En général, c'est ce que l'apôtre Paul dit lui-même dans Corinthiens. Il dit, il n'y a pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de riches, pas beaucoup... Non, c'est plutôt des gens modestes, pauvres, qui font partie de l'Église. Et quand on étudie l'histoire de l'Église, en général, l'Église commence toujours dans la classe pauvre de la société. Et elle monte tranquillement. Et malheureusement, quand l'Église devient de plus en plus riche, elle devient de plus en plus pauvre spirituellement. Et elle meurt. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, notre texte pour ce matin, à partir du verset 16 du chapitre 8. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite. Le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle, dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Je voudrais faire ressortir une vérité dans ce texte. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, que la nature, la création, est une manifestation de la gloire de Dieu. Que si je regarde le monde dans lequel je vis, je vais voir les attributs divins de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Et ici, il dit que l'Église, c'est la gloire de Christ. Nous sommes la gloire de Christ. Pas à cause de ce que nous sommes capables de faire, mais à cause de ce qu'il a fait en nous. Il va en tirer une gloire maintenant et pour l'éternité à cause de ce qu'il a fait en nous. Nous sommes sa gloire. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il ne veut pas que l'Église soit blâmée, salie, diffamée dans l'Église ou parmi les Églises et parmi les hommes. Je crois qu'il parle en partie des hommes en dehors, des gens en dehors de l'Église. L'Église se fait souvent salir, si je peux dire ainsi, à cause d'une mauvaise réputation qu'elle a acquise quand on parle dans le domaine de l'argent. L'Église n'a pas une très bonne réputation. Il dit, nous sommes la gloire de Dieu. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons afin de ne pas être un sujet de blâme. C'est pour ça qu'il dit au verset 16 que Tite est mandaté par Paul, par les églises, pour aller chez eux. Il dit ça, hein? Car il accueillit notre demande. On a demandé à Tite d'aller en Corinthe pour accomplir ou terminer cette œuvre de charité. Donc, c'est pas une initiative de Tite qui essaye de ramasser des fonds pour remplir ses poches, mais il est mandaté par, ici, Paul et d'autres, parce qu'il dit notre demande. C'est pas sa demande, mais c'est un ensemble de personnes qui ont demandé à Tite d'aller et de terminer cette œuvre-là auprès des Corinthiens. Il dit au verset 18, nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Donc, il dit, on envoie quelqu'un d'autre. Le nous est encore présent. Et nous envoyons quelqu'un qui a une bonne réputation. Moi, j'appellerais ici Tite et cette autre personne-là, cet autre frère-là, des diacres, des serviteurs, des ministres envoyés par les églises pour faire cette œuvre de bienfaisance. Il dit au verset 19, de plus, il a été choisi par les églises. pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance-là que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Premièrement, c'est la motivation. La motivation, c'est pas les pauvres. La motivation, c'est la gloire de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de montrer les petits pauvres avec une grosse bédaine puis toute sale. Fais-moi voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir la gloire du Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre à quel point ça va glorifier le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va devenir ma motivation. La gloire du Seigneur Jésus. Au verset 19, il me semble, que même l'apôtre Paul est aussi un envoyé des Églises. C'est pas lui qui a initié, qui est le au contrôle de tout ça. Il semble qu'il y a un ensemble d'Églises en Macédoine et en Achaïe qui se rassemblent et qui ont mis en place un comité quelconque. Et Paul va partir avec un ensemble de chrétiens qui vont se répandre dans les différentes églises pour aller plus vite, les différentes régions de ces deux provinces, si je peux appeler ça comme ça, pour ramasser les fonds et ensemble partir pour aller à Jérusalem. Même Paul est mandaté. Paul n'est pas au contrôle de cela, c'est les églises qui sont au contrôle de ça. Il dit au verset 20, « Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme, afin que personne ne critique, ne chiale, afin que personne ne salisse la réputation de l'épouse de Christ, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. » Verset 21, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous recherchons ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous essayons d'agir de façon telle que nous nous protégeons les uns les autres et nous faisons tout ce que nous pouvons afin de ne pas être un sujet de critique par les gens du dehors aussi. Je me souviens qu'avec toutes les églises dans lesquelles j'ai travaillé, je disais toujours à l'Église, je ne veux pas être parmi ceux qui gèrent les argents de l'Église. Je ne veux pas m'en mêler. J'aidais ce que je conseillais, mais je ne veux pas me mêler de l'argent, des offrandes, des dépôts, des chèques, des signatures. Je ne veux pas m'en mêler. Comme ça, personne ne pouvait me blâmer. Ni au-dedans, ni au-dehors. Et on essayait toujours d'organiser dans l'Église quelque chose qui protège l'Église de fraude. Une fois, je suis arrivé dans une Église où il n'y avait seulement qu'une personne qui gérait tout. Ou en grande partie. Et il y avait eu de la fraude. Donc, on a mis en place un système qui protégeait les chrétiens, ou qui rendait du moins plus difficile de voler ou d'usurper des argent. Et en faisant ainsi, on ne devenait pas un sujet de blâme. Donc, on mettait deux, des fois trois personnes qui s'occupaient de signer les chèques. La personne qui comptait les offrandes, c'était pas la personne qui le déposait. Et celle qui le déposait, c'est pas celle qui faisait la comptabilité. Donc, on mettait en place des moyens afin de ne pas être un sujet de blâme. C'est la même pensée ici, je crois. Les églises de la Macédoine et les églises de l'Achaïe ont mis en place un moyen de gérer cette grande collecte, cette abondante collecte qui était faite pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, par l'Église qui est la gloire de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra jamais à défaut l'Église. Mais ça veut dire que l'Église prend les moyens, humainement parlant, et je dirais même spirituellement parlant, pour tout faire, pour être pas un sujet de blâme, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église. Ce n'est pas la seule fois que Paul parle de même ainsi. En autant qu'en dépendent de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est tous des principes de base qu'il faut faire pour bien gérer ce qui se passe dans l'Église. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24, l'apôtre répète que tous ces hommes, Tite et les autres qui sont mis en place pour s'occuper de la collecte, sont mandatés par les églises. Il dit au verset 23 qu'ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Nous sommes sa gloire. Et nous voulons qu'il soit glorifié. Donc, notre comportement dans l'Église, nos raisons de faire les choses dans l'Église et dans ce monde, c'est la gloire de Christ. Nous sommes la gloire de Christ. Donc, les gens, on va voir dans le chapitre 9, que les églises vont réagir à cette collecte-là, vont donner beaucoup de gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le but. Le but de toutes ces œuvres de charité, c'est la gloire de Christ. Ce n'est pas les pauvres. Les pauvres vont bénéficier que nous recherchons la gloire de Dieu. Et moi, je vous encourage, frères et sœurs, à toujours commencer dans votre œuvre de charité que vous faites, de toujours commencer à l'intérieur de l'Église, avant d'aller à l'extérieur de l'Église. Je me souviens, une fois, j'étais allé travailler comme pasteur dans une église où est-ce qu'on donnait plus en don aux non-croyants qu'aux croyants. Et j'avais jasé de cela avec le conseil de l'Église. Pourquoi c'était ainsi? Pourquoi est-ce qu'on était porté à aider plus les inconvertis que les croyants? Et la raison qu'on m'avait donnée, c'était, c'est pour l'évangélisation. On veut être un témoignage auprès d'eux. J'ai dit, c'est bien, mais jamais au détriment des enfants de Dieu. Il serait pas sage. Ça ne ferait pas du sens de commencer à s'occuper des enfants des autres familles avant de s'occuper de nos propres enfants. Il ne serait pas sage de ne pas s'occuper de l'Église et de s'occuper de ceux qui sont en dehors de l'Église. Notre bon Père du ciel, aide-nous à tout faire pour ta gloire. Et aide-nous à réaliser, à réfléchir, à méditer sur le fait que l'Église, ça veut dire que chacun de nous individuellement, nous sommes la gloire de Christ. Quelle vérité! Christ reçoit de la gloire dans l'Église, dans le ciel, dans le monde, à cause de nous, individuellement, et à cause de nous en tant qu'Église. Glorifie-toi. Amen.